Un dicton dit ceci, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Moi, je dis cela, en avril, ne te découvre pas d'un fil de suture, parce que tes plaies deviendront béantes et qu'il est fort possible que le contenu de ton corps se déverse quelque part où il ne devrait pas se trouver. Voici Réanimation, édition Gore Metal. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant, surtout lorsqu'ils doivent reprendre un travail déjà plus ou moins bien fait. Parce que nous, entre suture et soudure, on n'y voit pas beaucoup de différence. Vous devrez prier pour ne pas y survivre enfoiré de mes deux, 'cause fear is our fucking business. We are undead incorporated. 'Cause Pendragon said so. Go. L'équipe du journal Zone Campus remercie Télécommunications Zitel de Trois-Rivières, grâce à qui vous aurez maintenant accès au journal directement en ligne. Merci à Zitel, fournisseur de services Internet haute vitesse et de téléphonie IP dans plus de 250 communautés du Québec. Zitel, allez plus loin. Hey, capitaine, j'ai trouvé une carte au trésor. Montre-moi donc ça, mon petit moussaillon. Qu'est-ce que c'est ça, le logo de la barrique à la place du X? On manque justement de bière. Vigie! Qu'est-ce qu'il y a? Cap vers les Trois-Rivières! Hé, hey, vous avez l'air de savoir où on s'en va, capitaine? Ben oui, mon moussaillon. La légende dit que la barrique, c'est le lieu de prédilection pour les amateurs de bière de microbrasserie québécoise, d'importation et de savoureux produits du terroir. Pis si tu veux pas que je t'enferme dans une barrique, commence à ramer tout de suite. La barrique, 41-70, boulevard des Forges, Trois-Rivières. Lorsque tu étais petit, tu tripais sur Home Alone et ta mère t'a acheté la petite télécommunicassette. Oui, c'est ça, la télécommunicassette, l'enregistreur gris. T'es passionné par le micro, même que des fois, ben, tu parles dans ton cornet de crème glacée puis c'est un peu gênant en public. Ben, c'est aujourd'hui que tu peux te prendre en main. Franchis la porte de ces fous puis réalise ton rêve. Parce que tes parents croient peut-être pas en toi, mais moi, je crois en toi. Gâte-toi. Fais-moi goûter ton cornet aussi, il a l'air bon. Visite cifou.ca et télécharge les formulaires de dépôt de projet d'émission ou viens nous voir sur le campus. Pour information, prog cifou@commercialuqtr.ca. À Cifou, les extrêmes de nos amis. C-F-O-U 89-1. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de Réanimation. Première édition en ce 2 avril 2013. Première édition de avril, bien sûr. Et nous avons passé outre le poisson d'avril. Mais non, il est là. C'est Sinistros. Eh, hey, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ouais. Comme? Comme d'habitude. C'est cela. Quelque chose de... Tu as passé un bon long congé? Ah ben oui, je suis allé voir la réunion des rectums samedi soir, puis on a bien du fun, ça. Oui, bon... C'était rigolo. Je savais pas qu'ils étaient réunis. Bon, c'est pour une couple de spectacles, j'imagine. Ouais. Ah, OK, OK. C'est bien fun. C'est le même genre qu'avant? Ben, c'est les mêmes pièces, en tout cas. OK. Eh bien, on vient d'entendre à l'instant, avant cette pause publicitaire, le premier bloc de cette édition... soit mes premiers choix musicaux. Nous avons entendu Crazion. Crazion est la pièce Minotaur que l'on retrouve sur Soaring Storm qui est parue en 2008 sur Century Media. Hackeron est la pièce Apocalypse tirée de l'album de Final Conflict The Last Day of God qui est parue en 2009 sur Displeased Record. Witchery, la pièce Devil Rides Out tirée de Witch Krieg qui est parue en 2010 sur Century Media. Soulfly et Rise of the Fallen tirée de Homan. Probablement le meilleur album de Soulfly, paru en 2010 sur Roadrunner. Et en ouverture, Ministry, la pièce Scarecrow que l'on retrouve sur Psalm 69, paru en 1992, il y a quand même plus de 20 ans. Hein? Eh oui, ça ne nous rajeunit point. Tout à fait, effectivement, paru sur l'étiquette Sire. Ce soir, j'ai un petit spécial gore, mais contrairement à ce que vous pourriez vous attendre, c'est pas nécessairement du gore metal, mais c'est du metal qui parle de gore. C'est du metal sans de là. Oui, voilà. J'aurai la présentation, l'incursion de quelques pièces dans le nouvel album de Torture Killer, soit Phobia. Et tant qu'à toi, Sinistros. Eh hey, bien, deux présentations d'albums. On va commencer tout de suite avec une présentation d'un groupe que j'ai découvert il y a quelques semaines de cela. Groupe qui a plusieurs albums à son actif, puis qui donnait dans le black metal à ses débuts, mais qui a opté pour le death. Ben oui, c'est drôle, hein, parce que. Je connais ce band-là, mais j'avais le souvenir du black. Ben moi, ce que j'avais entendu deux, dans les débuts, je me souviens d'un ou deux albums. C'était très black metal, puis je n'aimais pas ça. Puis là, j'ai pris un guess avec celui-là, puis là, je disais, ouais, c'est-tu le même band? Oui, c'est le même band. C'est la même formation. C'est la même formation, okay. Mais qui tonne dans un death metal quelque peu noirci, mais ça reste un très bon death. Donc, un death metal qu'on a oublié au four. Ben, un petit peu. Okay. Tu sais, le toaster, quand tu le mets à dark, là, ben, ça ressemble à ça un peu. OK. C'est un death metal un petit peu avec des riffs comme assez sombres. C'est un death metal avec des riffs black. Ouais, ben ça ressemble à ça. Il y aura rien de tellement technique en soi, mais un amalgame d'excellents riffs qui font des pièces assez structurées bizarrement, mais c'est très très bon. C'est excellent. Moi j'ai bien aimé ça. D'accord. Fait qu'on va entendre 4 pièces de l'album qui s'appelle And the Seventh His Soul Detested. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai aucune christifie d'idée, mais c'est moi pas grave. Alors, on va commencer tout de suite avec la pièce There Will Be None et on vient après les 4 pièces pour jaser de ce truc. De tout et de rien. Eh oui. Allons-y. Go. Go. We'll be right back. Bonjour, Monsieur Mozart. Chaque samedi matin, de 10h à midi, sur les ondes de C'est fou, si vous voulez écouter de la musique classique et de temps à autre de la chansonnette française dite classique, c'est Charles Roberge qui vous parle et qui vous invite à écouter cette émission chaque samedi matin, de 10h à midi. L'équipe du journal Zone Campus remercie Télécommunications Zitel de Trois-Rivières grâce à qui vous aurez maintenant accès au journal directement en ligne. Merci à Zitel, fournisseur de services Internet haute vitesse et de téléphonie IP dans plus de 250 communautés du Québec. Zitel, allez plus loin. Tous les mercredis à 15h, écoutez Dans mes écouteurs avec Joanie pour une sélection musicale rock variée. Dans mes écouteurs, les mercredis, 15h. C'est fou de musique à découvrir. C'est fou de musique à découvrir. C'est fou de la scène émergente. C'est fou de scène émergente. C'est fou de la musique. C'est fou 89.1. 89.1. The enemy is now in sight above the palace. Sinistros. Eh bien, on vient d'entendre la formation norvégienne Eternus. Il a peut-être pogné les rhumes. Hein? Peut-être. Ouais. Okay. C'est très facile, hein, celle-là. Elle est tellement bas. Avec l'album And the Seventh is Soul Detested, on a entendu des pièces Ruin and Resurrect, Spurcitias, And the Seventh is Soul Detested, and There Will Be None. C'est disponible sur Dark Essence Records et c'est sorti il y a quelques semaines. C'est bien meilleur que ce qu'ils faisaient à l'époque. Oui, effectivement, ce que j'avais connu au début des années 2000, je faisais une espèce de black metal un peu El Cheapo. H-E-L-L, Cheapo? Oui, El Cheapo, okay, oui, ouais. C'est ça. C'est l'enfer peu l'enfer cher. Bon marché. Oui, c'est ça, l'enfer bon marché. Donc, disons que le petit côté black metal me plaît davantage. Le petit côté death metal, tu veux dire? Death metal, excusez. Ouais. Et on voit que c'est subjectif sur l'affaire. Ah oui, ça veut tout dire. Côté spectacle dans la région immédiate de Trois-Rivières, vendredi le 12 avril, Extreme Prod se présentera au Café Le Stage, formation 101 Proof, qui se veut être un tribute to Montreal's Pantera Tribute. Un hommage à Pantera. Un tribute, c'est ça. Compagnie Self-Collapse, Satanic Glue Sniffers et Undead Process le vendredi 12 avril, comme je le disais. Le spectacle à 20h, l'en coûte 10$. C'est pour tous. Et Trois-Rivières Metal présente le dimanche 28 avril prochain au Rock Café Stage. Rien du tout. Rien du tout, c'est annulé. C'est ça. Arcona, Val Freya et groupe invité, c'est annulé. La soirée est complètement annulée. Ben, la tournée au complet. Oui, mais je parle de la soirée ici. Là. Ah oui, la soirée. Il n'y a absolument rien. Jusqu'à date, il n'y a pas eu été question d'avoir. Mais peut-être groupe invité. Oui. C'est à suivre. Désolé, mais ceux qui attendaient de voir la formation russe Arcona, eh bien, ça sera pour une autre fois. Ah, vous savez, dans un pays comme le nôtre où la guerre froide est de retour. Oui, ben, elle l'était aujourd'hui, en tout cas, là, avec oui, la moins 15 qu'on avait ce matin. J'écoutais un excellent film. Ben écoute, j'ai écouté plein d'excellents films. J'ai fait de ma journée d'hier, qui était une journée congé en ce qui me concerne, une journée purement cinéma, comme je les aime. C'est-à-dire que je me suis pas levé. Je me suis pas levé pour faire rien d'autre. J'ai approché le frigidaire. Puis... Oui, c'est ça. Et puis je me suis levé pour aller au frigo, je me suis levé pour aller changer le Blu-ray, mais c'est à peu près tout. T'sais. Non, je me suis tapé les 1, 2, 3 de Star Wars en ligne un après l'autre. Mais c'est pas de ça que je veux parler. Je veux parler du film que je voulais voir depuis longtemps, que j'ai eu l'occasion de voir hier, qui est le film de Quentin Tarantino, Django Unchained. Je pense que t'aimes bien Tarantino, hein? Oh oui, je suis un très grand fan. Oui. Ben, grand. Ben, petit fan. Non, t'es un grand fan dans l'âme. Oui, oui, c'est ça. OK. Moi, je suis un gros fan. OK. film qui met en vedette Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio et Christoph Waltz. Tu connais un peu le Le storyboard. Parce que tu m'as l'expliqué pas mal tantôt. Ouais, bon, ben, pour ceux d'entre vous qui n'écoutaient pas tout à l'heure, là, parce que vous étiez, on n'était pas en onde. Django Unchained, c'est un film qui prend racine dans un film qui s'appelle Django de 1966, dont je parlerai la semaine prochaine. J'ai dit prend racine parce que la ligne de conduite est assez différente, le scénario est très différent, l'histoire est aussi relativement différente, mais c'est la toile de fond en tant que telle là, qui a inspiré vraiment Tarantino. C'est l'histoire de Django qui est un esclave parce que ça se passe en 1858, soit deux ans avant la déclaration de la guerre civile, soit de sécession. Ben, les États du Sud, il y avait beaucoup d'esclavagistes et d'esclaves, évidemment, et ils étaient pas vraiment bien traité, hein? On s'entendra là-dessus. Et Django est transféré, il est puni pour avoir fait une tentative d'évasion avec sa femme, qui était elle-même esclave, ils se font prendre et elle, bon, première punition, ils sont séparés, sont vendus séparément, mais lui est vendu dans un endroit où on n'en sort pas vivant. Et puis le transfert se fait de nuit, il est avec cinq ou six autres esclaves, et puis il y a quelqu'un qui arrive qui est le Dr. Schultz, qui est joué par Christoph Waltz, qui est vraiment excellent, qui est pour moi qui a été le point de mire du film. Là. Pour ceux qui ne connaissent pas Christoph Waltz et qui auraient vu Inglourious Basterds, c'est l'officier SS dedans. Et qui se fait passer. Mais qui est un médecin dentiste, mais il l'avoue à un moment donné, tu fais 5 ans, je n'ai pas fait ça. Fait qu'il est devenu chasseur de primes. Et il veut pouvoir s'approprier Django parce qu'il y a un contrat à livrer qui est traquer trois criminels, trois frères, et seul Django pourrait l'aider à les trouver parce que lui, il les connaît pas. Et Django a déjà été sous leur joug en tant qu'esclave. Donc, je vous en dis pas plus parce que ce soir-là, ça passe énormément. Mais il réussit à libérer Django et de fil en aiguille, il en fait un partenaire dans son métier de chasseur de primes. Dans le but éventuel de pouvoir aller libérer la femme de Django. C'est un film qui est vraiment extraordinaire, Sinistrose, parce que c'est 2h45. Là. C'est assez long. Ouais. C'est 2h45 minutes, mais que tu vois pas passer, là. OK? Je sais pas si t'aimes le côté extrême de Tarantino avec les fusillades ou ce que les têtes explosent et ainsi de suite. Là, faut que ça saigne. Ça saigne abondamment. Il y a beaucoup, beaucoup de violence, c'est très explicite, mais en même temps, c'est un film qui est tellement bien supporté par le dialogue que tu focuses pas en disant ben, c'est juste la boucherie parce que c'est faux. Il y a d'énormes segments très longs où ce ne sont que des dialogues. Un peu comme Réservoir Dogs. C'est... Oui, si on veut, mais porté à un niveau supérieur, parce qu'évidemment, il y a l'expérience qui rentre en ligne de compte au niveau de Tarantino en tant que cinéaste. Mais le jeu de Christoph Waltz avec Jamie Foxx et un peu plus tard dans le film avec Leonardo DiCaprio, c'est vraiment extraordinaire. C'est malsain. C'est vraiment des personnages qui sont tous tordus à leur façon. Puis il y a des personnages qu'on aime détester dedans. Comme celui de Leonardo DiCaprio, qui joue le rôle de Candy là-dedans. Est vraiment un esclavagiste, mais vraiment, vraiment pourri, là. C'est un film qui est vraiment génial. C'est excessivement bien monté. L'étude, l'ensemble du graphique est splendide. Et c'est amené comme un western spaghetti des années 60, d'accord. 70. Tarantino se cache pas être un grand fan de ça. Mmh. C'est vraiment amené comme ça, mais évidemment avec une qualité, là, je dirais plus que légèrement supérieure. Moi, j'ai donné un 9.5 sur 10 à ce film, et je lui aurais donné facilement 10 sur 10 si ça n'avait été... J'aurais pris encore une demi-heure de plus du film. À 12h45, il n'avait pas assez. Non, non, absolument pas. J'aurais aimé que le film soit encore un petit peu plus long pour vraiment, tu sais, bien le ficeler, là. Mais c'est vraiment excellent. Donc, Django Unchained, c'est vraiment un film que je recommande à voir absolument. Je veux juste vous parler brièvement d'une série télévisée que j'ai découvert récemment, qui a débuté quand même en 2010, qui est toujours active, s'appelle Justified, qui met en vedette Timothy Olyphant. Timothy Olyphant, c'est l'acteur qui jouait, entre autres, dans Hitman. Je sais pas si t'avais vu Hitman. Oui, des, mais... Des jeunes qui sont... Ça fait longtemps. De leur bas âge, qui sont entraînés à devenir des tueurs de gage, là. Oui, j'ai vu ça même récemment. Ils ont une espèce de numéro de série. Oui, j'ai vu ça même très récemment, c'est vrai. Ouais, c'est un très bon film. Ouais. Il joue là-dedans le rôle du marshal Ryan Givens, qui a des méthodes très peu particulières, même voire violentes, et qui se fait comme punir en se faisant envoyer au Kentucky, dans une espèce de bled. Puis, ben, c'est le conflit qu'il a avec ses méthodes très expéditives par rapport à son nouvel entourage, qui est un petit bled, puis petit centre de police assez, je dirais, permissif, là. C'est vraiment très bon. C'est pas vraiment de suite à chacun des épisodes, là, mais c'est vraiment divertissant. Justified, donc, il y a présentement, je pense que c'est la troisième ou la quatrième saison qui est en airplay présentement. Je veux pas vraiment grand chose, mais je voulais juste, ça fait deux semaines que je l'oublie, puis je voulais vous parler du film à voir. C'est American Werewolf in London. T'as vu ça, ce film-là? Le loup-garou de Londres. Oh, ça fait longtemps, là. Ben, c'est sûr, c'est un film que je dis de redécouvrir. Je parlerai pas d'un film de la semaine passée, là. Comique. Donc, American Werewolf in London, c'est 81, effectivement. Ben, c'est pas un film que j'ai écouté récemment. Non, moi, oui. Moi, je l'ai écouté cet été. C'est un film de John Landis, et c'est un excellent film de loup-garou qui allie en même temps un petit aspect humour noir qui est fort bien dosé. Et c'était le... En 81, tout de suite après le film Hurlement, The Howling, c'était le film qui venait de dépasser les effets spéciaux en métamorphose au niveau de la lycanthropie. C'est quand même assez bien, puis il y a une passe où ce qui se transforme, puis c'est la pièce Bad Moon Rising de C.C.R. Ça fait vraiment bien. Donc, American Werewolf in London, moi, c'est un film que je lui donne un 8.5 sur 10, que j'aime encore réécouter. C'est sûr que ça l'a pas vieilli, je veux dire, de façon... extraordinaire, mais ça se débrouille encore très bien. Et c'est un film que je vous invite à revoir ou à redécouvrir. 20h15, je parlais un peu plus tard des concerts à l'extérieur de la région immédiate. Mais pour l'instant, je vais y aller avec mon petit spécial gore. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est non pas du metal gore, mais c'est bien du metal qui parle de gore. Donc, on va entendre les formations. Ben, Exhum, moi, c'est un peu gore metal. On va entendre Exhum, Torture Killer. Oui, mais un album antérieur. Six Feet Under, un album antérieur. Cannibal Corpse Obituary, mais on débute tout de suite. Donc, avec... Donc, si tu comprends bien, c'est pas du metal gore, c'est du dead gore. Ouais, c'est pas mal du dead gore. Jeu de mots, dead gore. Oui, effectivement, t'as raison de le dire. Donc, Death, la pièce Mutilation. Go! We'll be right back. generation, schooled in the other newest regulation. Only one thing will control my pain, it's to drink the blood of the insane. Inside me. concours de band live entre Montréal et Québec est débuté. Les mardis de la relève du Gambrinus. Tous les mardis dès 21h, viens découvrir des bands qui ont du talent. Les gagnants de cette 13e édition mériteront plus de 10 000 $ en prix, dont une séance d'enregistrement en studio et la diffusion de sa chanson sur les ondes de C'est Fou et plus encore. Les mardis de la relève du Gambrinus, une collaboration du studio Voxstone, Long & McQuaid, Maud Tattoo et Studio En Phase. Un événement production Joshua et C'est Fou 89.1. Hey Mathieu, t'aurais pas vu mes clés? Ben oui, c'est moi qui t'ai emprunté. Comment ça? Ah, j'ai entendu à travers les branches là, que la seule façon de savoir qui allait être le prochain animé assemblage requis avec moi, ben, c'était d'apporter au studio un char pis de la bonne eau. Et j'ai mis le feu à l'auto là, juste pour avoir de quoi arroser. T'sais. Je pense que ce que t'as entendu, c'est que ton co-animateur est maintenant Jean-Philippe Charbonneau. En l'occurrence, moi. Écoute, bon, je te pardonne. C'est une erreur facile à faire. Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Maintenant avec Mathieu Plante et Jean-Philippe Charbonneau. Mais toujours avec le même humour douteux. Du lundi au jeudi de 7h à 9h, assez fou. Ça veut-tu dire que quand je pensais avoir entendu Jean-Phil un cure-pipe, c'est plutôt Jean-Philippe? Fort probablement. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Si vous voulez le meilleur du rap, c'est sur le Big Max Show tous les mercredis de 17h à 18h sur C'est Fou 89.1. Assez fou. Les extrêmes. Ça nous anime. C'est F O U 89 1. Il est 20h40 et vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation, The Undead Incorporated Show sur les ondes du C'est Fou 89.1 FM, votre radio campus à Trois-Rivières. Et j'ai donc bien appris celle-là. Hein? Ah oui. Avec tout ce nombre d'années, à un moment donné, tu n'as comme plus le choix. J'ai même pas besoin de le lire, hein? Je le sais par cœur. Par cœur. Par cœur. Voilà, nous avons entendu ce petit bloc consacré au gore. À l'instant, avant la publicité, nous avions la formation Exhum et la pièce In the Name of Gore. On... C'est-tu à propos, hein? Elle était facile, celle-là. Ben, j'ai fait une longue recherche pour toi. Oui. Oui. Je regardais, je disais, d'abord voir de quoi qui doit parler de gore. C'est tiré de l'album Anatomy's Destiny de 2003 sur l'étiquette Relapse. Torture Killer et la pièce Forever Dead. Qu'on retrouve sur Swarm, un album de 2006 sur Metal Blade, Six Feet Under, et la pièce Feasting on the Blood of the Insane, paru sur Maximum Violence de 1999. Deuxième album de Six Feet Under sur l'étiquette Metal Blade également, Cannibal Corpse et la pièce Hammer Smash Face, qu'on retrouve sur Tomb of the Mutilated, le troisième album paru de la formation death metal américaine en 92. Également sur Metal Blade, Obituary, la pièce Slowly We Rot, tirée de l'album du même nom de 89. Sur étiquette Roadrunner, nous avions en début de bloc Death et la pièce Mutilation, qu'on retrouve sur Scream Bloody Gore, hein? Paru en 87 sur Combat. Et quel était le personnage qui avait le principal lien commun dans toute cette histoire-là? Pas Jack l'Éventreur. Mais non. Oh. Chris Barnes. Ah, OK. Parce qu'on le retrouve sur Cannibal Corpse, Six Feet Under et Torture Killer. Ah! Bon, si tu avais gagné, là, si tu avais dit la bonne réponse, tu aurais mérité un magnifique prix. Ah! À la place, je vais garder pour moi. Ben, garde le nom de tes maudits prix. Oui, c'était 7,95. 20h42, les spectacles qui sont à venir du côté de BCI à l'extérieur de la région immédiate, soit Trifluvienne, Ville-des-Vents et Mauricienne. Udo Dick Schneider, en compagnie de El Chien Wei et Potion 13, seront le vendredi 12 avril prochain à 19h au Fofone électrique. Pardon, au coût de 25 $ et 30 $ taxes incluses, c'est via admission. Pagan Fest America Part 4, mettant en vedette Insiferum, Tyr ou Thor, ou Thor ou Tyr. Eidvolk, Trollfest et Elsot, le jeudi 18 avril prochain à 19h au Métropolis. Au coût de 30 et 43 et 34, 78 plus taxes, c'est pour tous via Ticketmaster. Catatonia est invité. Je peux pas croire qu'on sait pas encore, là, c'est qui le band qui va venir à Catatonia, là? En tout cas. C'est le jeudi 25 avril à 20h au Café Campus, au coup de 20h. Au coup de 20h. Au coup de 20h. C'est le 25 avril. Puis il n'y a pas de band d'annoncé? Ben, Catatonia et groupe invité. Ça va bien. Je sais pas. Donc, c'est au coût de 20 et 25 taxes incluses, c'est via admission. Suffocation sera en compagnie d'Exhum, Jungle Rot, Rings of Saturn et Adémiran le samedi 27 avril prochain à 19h au Club Soda. Elle coûtera 25 et 22 et 30 et 43 plus taxes. C'est pour tous via le Club Soda Box Office. Hypocrisy, en compagnie de Crazy Unaborted, Arsis et Starkill. Au Fofone électrique le vendredi 3 mai à 18h au coût de 22 50 et 27 et 50. Taxes incluses via admission. Et le Decibel Magazine Tour 2013, mettant la vedette Cannibal Corpse, Napalm Death, Immolation, Beyond Creation au Club Soda. Donc, je pense que c'est le. Je pense pas qu'il y ait d'autres groupes à se rajouter. Là. C'est au Club Soda le samedi 1er juin à 19h. Il en coûtera 25,22$ et 30 et 43 plus taxes pour y assister. C'est pour tous. Et c'est disponible les billets du Club Soda. Et justement, je vous rappelle que la formation Immolation, qui se présentera le 1er juin prochain, Club Soda, sortira un nouvel album le 14 mai prochain du nom de Kingdom of Conspiracy sur l'étiquette Nuclear Blast. Et il semblerait que le nouvel album de Ghost, Infestasumantintamtumtamdam, serait possiblement retardé en Amérique du Nord pour pas sa possiblement. Sortie. Pas possiblement. Ici, assurément. Le SPO au 16 avril pour cause de... Aliénation mentale. Ouais. Pour cause de... C'est parce qu'il y a quatre... Représentation graphique. Ouais, imagine-toi donc. C'est un graphique un petit peu... pas si pire que ça. Ben, là, compte tenu que... des... nombreuses pochettes épouvantables qui mais existent oui. sur le marché. Il y a quatre compagnies, quatre manufacturiers de CD aux qui ont refusé. Qui ont refusé de printer l'album aux États-Unis. Aux États-Unis d'Amérique. Parce que l'image représentait une orgie avec le yaourt et tout le gros kit. Mais ça, c'est une gravure qui date du Moyen-Âge, là. Alors, il y a quelque chose qui... Je sais pas. Je trouve ça... Écoute, c'est... Les compagnies américaines sont peut-être un petit peu trop puritaines. C'est sûr et certain qu'aux États-Unis... D'Amérique... quand ça a trait à la religion... Ils sont chatouillés. C'est un petit peu comme l'ouest du Canada, là. Oui. C'est le même principe, là. Oui, bien des endroits aux États-Unis, c'est effectivement le cas. Mais là, on s'entend-tu qu'aux États-Unis, des albums métal, là, puis des albums avec du sang, il y en a oui, en masse. Oui, mais qui sortent, tu sais, là. Comme moi, qu'aux États-Unis... Là, d'Amérique. Hein? D'Amérique. Si t'as des guns, du sang, pis des trips, c'est pas grave. Mais touche pas mon petit Jésus. Ouais, en tout cas. C'est juste là. Ben, bon, ça le retarde d'à peu près même bon, une semaine. Bon, en espérant que ce délai-là soit tenu. Mais le pire, c'est que c'était uniquement pour la version deluxe de l'album. En plus. Fait que là, ce qu'ils vont faire, c'est que la version deluxe va avoir le même layout sur le DVD, sur le CD que la version ordinaire. C'est une niaiserie. Cochonnerie. C'est une stupidité. D'Amérique. Oui. Ta deuxième présentation. Ah, eh bien oui. Le retour de Finn Troll avec un nouvel album. C'est correct. Finn Troll a décidé de délaisser son côté. Le côté du dernier album qu'il avait expérimenté vers un côté moins folk et beaucoup plus. Heavy. Plus heavy, presque black metal. Sont revenus à la formule Finn Trollienne, finalement, des anciens albums comme Trollamaran et Nat Ford et compagnie, ou les albums d'avant, avec beaucoup plus de fanfares et de trompettes et de klaxons. De trompettes et de klaxons, c'est cela. non, ils sont revenus pas mal à leurs racines folk des débuts. Puis il y a des petits côtés jazzy aussi qui sont fort intéressants. Les polkas sont toujours là, c'est bien drôle. Ben, c'est vrai, dans le fond. C'est oui, ça qui est je le sais, effectivement. C'est ça qui est le pire. Alors, Finn Troll, avec un nouvel album qui s'appelle Blood Sweat, c'est sorti il y a quelques semaines sur Century Media. Moi, j'ai bien aimé cet album-là. Il va se mériter un beau 8.5 sur 10 très facilement. D'accord. Alors, on va entendre quatre pièces, soit Bloodsvept, Eightfold, Forsbannat, Ratar Marskera et Mordminen. J'ai rien compris. Moi non plus. C'est Mordminen, c'est Mord ton minou. D'accord. Donc. Allons-y, Finthrall, Bloodsvept. Yo. We'll be right back. le plus gros party spaghetti au Québec. C'est un fait, là. Parmesan pas! On se souvient de cette période d'insouciance où la radio si merveilleuse nous permettait encore de rêver. Avec le Master Pack Series des Best of de C'est Fou, on peut revivre tous ces moments de bonheur oubliés. La taille du sexe, on sait que chez l'homme, c'est le symbole de la virilité et tout ça, tu sais. Et de l'intelligence. Ouais. Faites comme moi et syntonisez la fréquence modulée 89,1 sur votre récepteur tous les vendredis dès 7h le matin et les samedis dès midi. Avec le Master Pack Series des Best of de C'est Fou, profitez de 3 heures de magnifiques souvenirs de nos émissions quotidiennes. Cette année encore, les soirées cachées C'est Fou vous invitent à ces événements mystérieux dans l'UQTR. Serez-vous aussi fou que nous? Pour connaître les dates et groupes en prestation, suivez la page Facebook et Twitter des soirées cachées C'est Fou ou synthonisez le 89.1. Ne manquez pas Rock de Neurones tous les lundis soirs de 20h à 22h pour une émission consacrée au rock progressif. Venez entendre les classiques et découvrir les artistes moins connus. De Pink Floyd à Genesis, en passant par Les Ormés, Banco, Arena, Archive et beaucoup d'autres, avec une sélection intéressante de groupes québécois des années 70 à aujourd'hui. N'oubliez pas, Rock de Neurones, les lundis 20h. Assez fou. Les extrêmes. Ça nous anime. C-F-O-U. 89 1 21h12. Et cela passe vite. Eh oui. Eh bien, tout juste avant la pause, nous avons eu une pièce de, du groupe irlandais Croachan. Croachan, qui est le cri de guerre gaélique. Avec la pièce I Am Warrior, c'est tiré de l'excellent album Blood on the Black Road de 2011. C'était paru sur Candlelight Records. J'apprécie bien ce genre de folklore irlandais métal. C'est assez, assez fighter, c'est cool. Dit-il en espagnol. Tout juste avant, on a eu le nouvel album de Finn Troll qui s'appelle Blood Swept. Très bon album. On a entendu les pièces Mord Minen, Nar Jatar Marskera, Et Folk Forbanat et Blood Swept. Demande-moi pas de les redire une autre fois. J'aurais ça pourtant. Ben, tu l'auras beau. Ah oui, donc. Je ne te donnerai pas ce plaisir. Espèce de tortionnaire. Ça, le problème avec ces bandes-là, c'est qu'on a tout en l'air d'un cave quand on lit le nom des pièces. Hein. Ah, mais peut-être qu'eux autres là-bas, quand ils lisent les pièces en français, ils ont peut-être l'air aussi cave. Ou peut-être qu'ils lisent pas. Peut-être aussi. Effectivement. Eh bien, c'était l'album Blood Swept qui est paru il y a quelques semaines sur Century Media. Moi, c'est correct. Très bon album. Correct. C'est un beau retour de Finn Troll. Ils ont une belle gimmick, hein, ce band-là. Oh, c'est cool. Ouais, c'est vraiment cool. Mais je ne les verrai pas encore cette année. Eh bien non, parce que le Heavy Montreal en a décidé autrement. Ils ont décidé de nous dissuader d'aller voir leur... leur fest. Leur fest. Et non leur fest. C'est cela qui est cela. La semaine prochaine, je vous parlerai du film Gangster Squad. T'as vu les previews de ça? Oui. Ça a l'air... je trouve que ça... J'aime beaucoup les films de gangsters. Ça a l'air vraiment bon. Mais quand j'ai entendu sur les espèces de trailers, la musique, je me suis dit, mais ça fit pas tout. Ah, j'ai pas entendu ça, par exemple. Ben, c'est parce que par bout, moi, ce que j'ai entendu, là, c'est... Pas du rap gangster. Genre hip-hop, là. Sur une trame de fond d'un film de gangster de la Prohibition, j'ai dit, là, en tout cas. Ouais, parce qu'il aurait fallu que ce soit comme des pop puis avoir un peu de jazz ou de... Ben, ouais, tu sais, mais bon, bref, je vais m'en faire une idée en écoutant le film, là, je vous en reparlerai la semaine prochaine. Peut-être que le film est très, très bon, mis à part la trame sonore, ouais. Ou c'est peut-être juste pour le trailer, pour le comme trailer, c'est ouais. possible ça aussi. Ça arrive, il y a des... Il y a des gens qui se spécialisent en musique de trailer, ouais. Où ça n'a pas rapport du tout avec le film. Puis effectivement, puis là, c'est qu'on se rend compte que ces gens-là auraient peut-être dû se spécialiser dans autre chose. Oui, effectivement, tu as très bien raison. Bon, en tout cas, c'est à suivre. À suivre. À suivre, c'est cela. Je vais probablement vous parler aussi la semaine prochaine. Je vais faire une petite incursion dans le dernier album de Suicidal Tendencies. Ben, je ne l'ai pas écouté encore. Moi non plus, mais je suis curieux de l'entendre. Écoute, Suicidal, pour moi, ça ne veut plus dire grand-chose. Ben, moi, j'ai les deux premiers albums, ça verrait tout. Hein? Ben, moi, je te dirais honnêtement, j'ai bien aimé les quatre premiers. Après ça, ça a pris une... Ben, ouais. Même le cinquième, mais là, vraiment forçant, là. Après ça, ça a pris une tendance qui était un peu bizarre. Ben, un peu funky, un peu... Ouais, ben, Infectious Groove, qui s'est mêlé là-dedans, puis ça me plaisait plus du tout. Mais en tout cas, semble-t-il que le nouveau serait retour pas mal aux sources, là. Fait que c'est à suivre. Là, je vais vous présenter, dans quelques instants, la dernière parution... Parution de la formation américaine Torture Killer, une formation qui existe depuis 2002 et qui mettait à un certain moment donné en vedette, oui, parce que son vocal est toujours très, très, je dirais pas nécessairement percutant, mais remarquant, celui de Chris Barnes, qui n'est plus maintenant avec la formation parce que je pense qu'il se consacre à peu près uniquement à Six Feet Under. Six Feet Under qui semble avoir une belle recrue de popularité depuis l'album Undead, l'album de l'an dernier. Donc, peut-être faute de temps, je sais pas, ou choix de divergence musicale, peu importe. Bref, Torture Killer existe toujours. Ils en sont à leur quatrième Full Length, album studio complet, qui est paru la semaine dernière sur l'étiquette que je connais pas, Dynamics Art Records. Je connais pas ça, moi. Moi non plus. L'album porte le titre de Phobia. Et on va aller explorer quatre pièces, soit les quatre premières qui seront dans cet ordre, Devil's Reject. Je sais pas s'ils font référence au film de Rob Zombie, qui était pas mal bien. La pièce titre, Phobia, Await Its Third Arrival and Write It in Blood. C'est un très bon album en passant. Moi, alors, ouvrez vos grandes oreilles. J'ai bien aimé. Ça trash en masse. Oui. Si les gens ont aimé le dernier Six Feet Under, ils devraient aimer le dernier. Ben, c'est plus rapide. C'est plus rapide, mais c'est quand même dans la même veine. Oh, c'est simpliste. Oh, oui. C'est pas des musiques très cérébrales. Là, c'est mais... in your face, Yann. C'est fait taper du pied et branler de la tête. Let's go. Ben oui. Donc, go! Électrotactile, le jeudi, 21h. Pour une deuxième année consécutive, les Soirées cachées C'est fou vous offrent des spectacles gratuits dans les endroits inusités de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Pour connaître les dates et groupes en prestation, suivez la page Facebook et Twitter des Soirées cachées C'est fou ou synthonisez le 89.1. Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à Rock Classic. Rock Classic, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. C'est fou. Les extrêmes, ça nous anime. C'est F O U 89.1. Et oui, mes chers petits amis, chers petits enfants, amateurs de métal et de choses étranges, l'émission tire à sa fin puisqu'il ne reste que 25 minutes, mais qu'il en soit ainsi. Parce que toute bonne et mauvaise chose devrait avoir une fin. Surtout les bonnes, il reste tout le temps les mauvaises. Ben oui, c'est ça. C'est ça qu'on est encore là depuis 13 ans. Donc, nous allons continuer jusqu'à 1h ce matin. Juste avant la pause publicitaire, on a entendu 4 pièces tirées du dernier album de la formation américaine Torture Killer, soit l'album Phobia, qui est paru sur l'étiquette Dynamics Art Record, que je ne connais pas du tout. J'ai entendu, il y a quelques instants, la pièce Written in Blood. C'était précédé de Await His Third Arrival, Phobia, pièce-titre, et en ouverture, en fait, la pièce d'ouverture de l'album aussi, Devil's Reject. C'est pas mal bien. Très bon, très bon album. Dans le genre, c'est du easy listening. Oh, c'est du death trash pur et simple. Tout à fait. Point final. Oui. C'est à toi qu'il incombe de clore cette édition, mon cher. Pas avec un petit bloc un petit peu disparate. On va avoir un peu de gothic black. On aura un peu de death. On aura un peu de trash. Et on aura un peu de tout. Ah, je connais pas celle-là. Le tout métal. Du tout métal. Ouais, d'accord. Toi, au fait, qu'est-ce que tu proposes la semaine prochaine? Je le sais pas. Tu sais pas encore? Non. Sérieusement, moi, m'y mettre. Pas pensé à ça. Je vais m'y mettre lundi soir prochain. Ouais, ben, c'est comme j'ai failli faire. Bref. Disons qu'avec le grand congé, j'ai failli me faire prendre des culottes baissées. Mais je préfère que ça ne soit pas arrivé. Que ce soit moi qui te prenne dans cet état-là. Non, c'est fini ce temps-là. Non, ça n'a jamais commencé. Alors, on va terminer avec Rotten Christ et la pièce Grandis Spiritus Diabolus. Yeah. C'est tiré de l'excellent album Kataton Daimona Aitoi qui est sorti il y a quelques semaines. Ah, que c'est bon. Sur Season of Mist, nous aurons également du Suffocation, Incantation, Rearm et Despise and Conquer. Alors, allons-y tout de suite avec Rotten Christ, Grandis Spiritus Diabolus. Go. Yeah.

C'est vraiment la fin. Eh oui, on vient d'entendre formation de Finlande, Rearmed, avec la pièce Save Yourself, tirée de Worldwide Hypnotize, parue en 2012 sur l'excellent label Massacre Records. On a eu Incantation avec Ascend into the Eternal, tirée de Vanquish and Vengeance de 2012 sur Listenable Records. Suffocation, Imminent Wrath sur l'album Pinnacle of Bedlam de 2013, paru sur Nuclear Blast. Herod in Christ, Grande Spiritus Diabolus, tiré de Cataton Daimona Aetoy de 2013, sur le label français Season of Mist. Et voilà. Et c'est la fin. On va terminer avec un groupe allemand qui s'appelle Despise and Conquer, avec une pièce qui s'intitule Skull Fuck. J'ai-tu dit ça, moi, là? Non, c'est marqué là. OK, c'est juste marqué. Série de l'album Invasion, c'est paru en 2012 sous étiquette indépendante. Alors, sur ce... La semaine prochaine, nous serons là et nous allons vous présenter des choses tout aussi ridicules et probablement aussi farfelues que cette semaine, sinon plus. Mais nous y serons. En attendant, allez tous vous faire... Foutre! Go!